Bonsoir, Marie-Hélène. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On l'attendait depuis longtemps, elle vient enfin d'être annoncée dans une des plus grandes revues mondiales d'archéologie, la toute britannique Antiquity. Depuis plus de 10 ans, les proto-historiens, spécialistes de l'Europe celtique, frémissaient de voir l'intérieur de sa chambre sépulcrale. Aujourd'hui, son ouverture dépasse leurs prédictions, leurs rêves. Pour preuve, à peine fouillée, celle-ci porte déjà le nom de la princesse de la Hunebourg. Pour s'en faire l'écho, percevoir ce que nous savons de cette société aristocratique de l'âge du fer, le 6e siècle avant notre ère, j'ai rencontré Dominique Garcia, professeur à l'université d'Aix-Marseille, à l'Institut universitaire de France et président de l'INRAP, pour avoir son sentiment sur cette trouvaille. Dominique Garcia, depuis Carter et Toutankhamon, l'ouverture de tombes royales ou princières constitue à la fois un événement capital pour l'archéologie, mais aussi le clou d'une carrière pour l'archéologue ? Très certainement, on a là la rencontre, en fin de compte, entre le temps long, un objet qui était oublié, et puis effectivement l'événement, la mise au jour, au sens strict du terme, d'une découverte exceptionnelle, d'une découverte rare. En l'occurrence, il y a un siècle, on faisait venir un photographe, un graveur. Aujourd'hui, on attend la publication, en l'occurrence là d'Antiquity, pour médiatiser la découverte. Tout ça est immortalisé. Voilà, c'est médiatisé, diffusé, mis au jour et diffusé. Plantons le décor, nous voici dans l'Allemagne du Sud, le Bade-Württemberg, sur un site invraisemblable et fouillé depuis des décennies. Alors, le site est vraisemblable, il est réellement bien documenté, connu depuis le 19e siècle, signalé de manière plus précise avec des publications dès le milieu du 19e siècle et qui fait, depuis un siècle, l'objet de fouilles programmées, de découvertes fortuites et qui aujourd'hui se trouve, en fin de compte, au centre du phénomène princier celtique, bien conservé, bien fouillé. Ce n'est pas un site éponyme au sens strict du terme, mais le site de référence pour réfléchir au monde celtique et aux phénomènes princiers. Alors avant de parler de l'aspect funéraire, on est sur une gigantesque forteresse ? On est avec le concept a évolué. On est un site qui est occupé depuis l'âge du bronze, avec des phases d'occupation, des phases de moins grande présence humaine, et qui se développe de manière spectaculaire à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, où là on a une première fortification avec un habitat extrêmement dense qui va prendre une ampleur exceptionnelle à partir du début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Une enceinte est construite en briques crues sur une base en pierre liée à la terre. Cette enceinte en briques crues est recouverte de chaux et à l'intérieur, on retrouve de bâtiments alignés. Donc un urbanisme, on a là l'invention de la ville dans le monde celtique. Mais une ville, c'est également sa périphérie, sa campagne, ses nécropoles et tout un réseau d'habitats. On peut réellement parler de ville, on peut parler de centre urbain ? On peut même parler de processus d'urbanisation. On a au départ une série de agglomération dispersée sur le territoire, on a un phénomène de synossisme, c'est-à-dire de regroupement, et puis une agglomération, donc une ville, au sens strict du terme. La ville est une idée neuve en Méditerranée au 6e siècle avant Jésus-Christ. Elle est également une idée neuve dans le monde celtique, à la Hunebourg, où elle apparaît de manière impressionnante sur plusieurs hectares, avec un vrai plan d'urbanisme, une vraie architecture, une vraie fortification. Donc on serait sur le premier centre urbain de l'Europe celtique. On aurait là le premier centre urbain avec donc la ville et son territoire, mais également les activités qui caractérisent la ville. La ville n'est pas qu'un objet architectural, c'est également un système politique, un système économique. Et donc là, on a un phénomène urbain dans ce monde celtique. C'est une nouveauté. Justement, est-ce que l'on pourrait pas voir dans cette ville tout simplement aussi un port, une sorte d'agglomération portuaire ? Alors, la ville de Lunebourg est effectivement un espace de communication. Il est situé à 40 mètres au-dessus du Danube, dans la haute vallée du Danube. Donc, il est là, placé dans un point remarquable. Donc, en tête de réseau, si j'ose dire, d'un système qui est celui du Danube, mais également dans une zone d'interfluve entre donc la Méditerranée, l'Adriatique et les mers du Nord. Donc, on est là dans ce qui marquera l'espace celtique premier, c'est-à-dire un espace qui va de Bourges jusqu'au Danube et de la région de Lyon jusqu'à la mer du Nord. Alors pour cette forteresse, vous me parliez d'un mur de 4 mètres de haut en terre crue. La terre crue, ça fait pas très allemand. Alors, et encore moins celtique. La mise en œuvre de la terre crue sous forme de briques est là très probablement une prestation de service méditerranéen, étrusque ou grec. On a là une technique qui n'était pas connue dans le monde celtique, qui était un usage dans le monde méditerranéen. Donc on a une particularité architecturale, mais qui va plus loin. Le type de tour de la Lunebourg, le type de fortification, c'est-à-dire très probablement le tracé de la fortification est également un tracé qui vient du monde méditerranéen. Donc c'est un vrai projet politique qui a nécessité une hiérarchie, une structure politique très forte. C'est un premier cas peut-être de mondialisation, c'est-à-dire que la Méditerranée donne naissance à la ville et que cette ville, en fin de compte, est inséré dans un réseau économique et un réseau politique qui touche le monde celtique. Et dans cette haute vallée du Danube, la Lunebourg est en fin de compte une partie de ce réseau qui apparaît là. Ces villes, elles se diffuseront aussi en France, par exemple ? Alors, la Lunebourg est peut-être un des plus anciens cas de l'émergence du phénomène urbain dans le monde celtique. Et pendant deux siècles, on va dire, allez, du milieu du 7e siècle jusqu'au milieu du la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce phénomène-là va se retrouver dans différents points, je le disais, du Danube jusqu'à la région de Bourges. Et effectivement, on a ce phénomène qui est bien connu à Bourges, qui est bien connu à Vix et sur d'autres sites de ce gabarit. Des tumulus, il y en a beaucoup dans la Lunebourg. Alors, il y a plusieurs ensembles funéraires qui correspondent à différentes périodes. Et dans ces ensembles funéraires, certains tumuli, dont des grands tertres funéraires, apparaissent comme étant ceux qui ont conservé les restes des élites. Comment a été trouvé celui de la femme qui nous concerne, la fameuse princesse de la Lunebourg ? Alors, le site de la Lunebourg fait l'objet de recherches depuis un siècle et demi, mais il y a encore sur un territoire relativement vaste des endroits qui n'ont pas été explorés de manière scientifique, et les auteurs de l'article d'Antiquity signalent une découverte fortuite, un objet en or qui apparaît lors des labours et qui ensuite va provoquer la mise en place d'une fouille de sauvetage. Cet objet en or appartiendrait à la tombe d'un enfant ? Alors, l'hypothèse qui était mise, effectivement, on a donc l'objet en or probablement associé à une tombe d'enfant et ensuite la découverte de cet ensemble funéraire beaucoup plus important qui fait l'objet de la publication. En 2010, plutôt que de fouiller la tombe, les archéologues allemands vont différer le plaisir. Ils ne vont pas fouiller cette tombe ? Alors, ils ne vont pas fouiller cette tombe. Alors, là aussi, il y a un aspect médiatique, mais il y a d'abord la démonstration avec cette fouille d'une technologie, d'une puissance, on va dire, bien allemande, avec un bloc de plusieurs dizaines de tonnes qui va être prélevé pour être fouillé en laboratoire. Ce phénomène est courant en archéologie. Hein. C'est soit le spécialiste, le scientifique qui se déplace sur le terrain, soit on déplace une partie du terrain vers le laboratoire. C'est ce va-et-vient du chantier vers le labo ou du labo vers le chantier. En l'occurrence, il est courant en archéologie qu'une urne funéraire, qu'un prélèvement bio-archéologique, qu'un objet soit prélevé et étudié plus tard. Là, l'aspect spectaculaire, c'est que c'est le caveau en son intégralité qui a été prélevé. On a donc découpé la chambre funéraire, elle a été prélevée avec des grues et ensuite fouillée en laboratoire. C'est là l'aspect spectaculaire, original, qui a permis de fouiller avec du temps, avec de la méthode, en s'associant, en fin de compte, de programmer la fouille au fur et à mesure qu'elle a livré des vestiges. Et ça, c'est l'aspect novateur que l'on peut saluer aujourd'hui au vu des résultats. Mais soulever une tombe, ça paraît presque invraisemblable, même une tombe de 80 tonnes, comment ont-ils fait ? Ils ont encaissé toute la tombe pour pouvoir la soulever ? Ils ont découpé effectivement la chambre funéraire, ça a été soulevé avec une grande grue, on a transporté ce bloc et ensuite le bloc a été fouillé par la suite. C'est presque voilà un aspect spectaculaire, intéressant, une programmation de l'activité. Ensuite on pourrait aussi mettre des bémols parce que la tombe ce n'est pas uniquement le caveau, c'est aussi ce qu'il y a autour, le tertre, la fouille d'un fossé, c'est un contexte et donc là on prélève un ensemble de son contexte funéraire, ce qui pourrait être discutable si nos collègues allemands n'étaient pas capables de remettre l'ensemble en perspective, ce qui n'est pas le cas. Ce contexte a été fouillé aussi ? Alors, ce contexte a été perçu moins fouillé peut-être que si on avait pratiqué une grande fouille en open area, en extension, qui aurait permis de bien associer l'espace, le paysage dans lequel la fouille se trouvait, les aménagements, les paléosols, les zones de passage vers la tombe. Une tombe n'est pas un objet isolé et la chambre funéraire n'est qu'une partie d'une tombe. Pourrait-on envisager la même chose en France, puisque la sépulture du prince de Lavaux, découverte il y a 2 ans, a été fouillée d'un seul trait ? Vous auriez pu aussi, vous, la fouiller en laboratoire ? À une certaine échelle, certains éléments sont fouillés aujourd'hui en laboratoire. On a réalisé, nous aussi, à Lavaux, l'équipe de l'INRAP, des prélèvements qui sont aujourd'hui fouillés, analysés au CDRMF, donc au laboratoire aussi au musée du Louvre. Et donc, des éléments comme ça peuvent être fouillés plus tard. Dans le cas de l'archéologie préventive, des moyens qui nous étaient donnés, du contrôle scientifique et technique de l'État, dans le cadre de la fouille de Lavaux, l'ensemble a été fouillé, d'ailleurs perçu à la fois dans un espace géographique un peu plus large, mais également sur le temps long. Un gisement n'est pas un événement, une fouille que l'on ferme et que l'on prélève, mais un site qui a une histoire. Une partie des vestiges aurait été conservée grâce à la proximité du Danube, notamment le plancher de la tombe qui permet d'avoir une datation très précise de la construction du monument. Alors, tout site, bien entendu, a sa propre histoire post-abandon. L'avantage, effectivement, du site de Lahnebourg et de la tombe de Lahnebourg, c'est qu'elle a été conservée dans un milieu humide. Et donc, le bois est parfaitement conservé. Et cette chambre funéraire, donc ce caisson, était composé de planches de bois qui ont été analysées et qui permettent de dater de manière précise le moment où les arbres ont été coupés, donc les années 583 avant Jésus-Christ, et donc de bien dater la mise en œuvre de ce caisson, probablement contemporain de l'inhumation. La société en 583 avant notre ère angle-celtique, c'est quoi ? La tombe de Lahnebourg marque bien, justement, grâce à cette date précise, l'émergence du phénomène princier. En fin de compte, on a là probablement la tombe princière la plus ancienne et on a affaire à des sociétés extrêmement hiérarchisées, telles que les interprètes, les archéologues, avec ces tombes effectivement d'élite qui révèlent dans la manière dont elles sont construites. On a là des tertres qui font plusieurs dizaines de mètres de diamètre, des dépôts votifs et des dépôts funéraires extrêmement importants, extrêmement riches. Donc on a une société extrêmement hiérarchisée avec un pouvoir tenu par une famille, par une lignée, sur un territoire relativement vaste, peut-être une trentaine de kilomètres autour de l'habitat principal. Ce pouvoir, il le tire de quoi ? Alors, les interprétations sont multiples, mais ce que l'on peut voir, je parlais tout à l'heure d'interfluves, c'est que ce phénomène se retrouve géographiquement bien implanté entre les sources de la Seine, les sources de la Loire, les sources du Rhin, les sources du Danube. Donc on est une zone, en fin de compte, où la plus-value des populations est qu'elles peuvent servir d'intermédiaire entre les populations du nord de l'Europe et de l'ouest de l'Europe, donc l'accès à l'étain, l'accès à l'ambre, donc des produits de première nécessité, qui pouvait intéresser les populations méditerranéennes. Elles produisaient probablement ces populations elles-mêmes des produits, des céréales, probablement aussi que des esclaves faisaient l'objet du commerce, mais l'élément important, c'est cette notion de porteur, de passage, d'intermédiaire. Pour l'anecdote, vous signaliez tout à l'heure la fouille de Lavaux, près de Troyes. Le nom de la population locale des tribus gauloises celtiques, c'est les Tricasses. Et Tricasse, casse, c'est l'étain. Et tris, c'est passé, c'est transféré. Dans les tricasses, c'était ceux qui permettaient le passage, le portage de l'étain, et portaient la tribu des tricasses, celle où est implantée Lavaux, portait en elle, dans son nom, le nom même de leur activité, celle d'intermédiaire entre le monde méditerranéen et le monde nordique. Une sorte de deuxième cercle pour Fernand Braudel ? Le deuxième cercle, ou si justement on le regarde d'un point de vue d'un proto-historien, peut-être le point central. Ceux qui ont permis la connexion entre la Méditerranée et ensuite le monde nordique. Souvent on a un regard du sud vers le nord ou du nord vers le sud. Peut-être il faudrait centrer le regard sur ces populations qui ont permis de connecter ces espaces. Je parlerai là d'état émergent pour ces centres princiers, qui profitent à la fois des ressources naturelles du Nord et des besoins des cités méditerranéennes, étrusques et grecques. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. En tout cas, toutes ces élites sont basées sur l'ostentatoire. Alors bien entendu, on est là dans des populations qui avaient un pouvoir extrêmement important, qui maîtrisaient la diffusion, on n'a pas parlé du vin, mais dans les tombes un peu plus récentes, on retrouve des éléments du service du vin, donc qui produisaient sans doute effectivement une activité du service, mais qui également maîtrisaient une matière première, des objets, et montraient, présentaient cette puissance-là. Il n'y a qu'à voir effectivement le rempart de la Neubourg, mais les remparts du Mont-Lassois, à Vix également, sont de cette qualité. Tout le monde parle bien entendu des objets qui accompagnent la mort de cette dame, de cette princesse. Les fibules en or, l'ambre, des bracelets de jais, de bronze. Alors, des découvertes effectivement extrêmement importantes avec des matériaux précieux, certains locaux, certains beaucoup plus exotiques, qui viennent du nord comme l'ambre ou du sud comme certains produits méditerranéens. Mais en tout cas, effectivement, l'émergence d'un artisanat de qualité et de pièces de qualité réunies dans cette tombe, dont les objets en or, notamment les fibules, sont les plus spectaculaires. On n'a pas ces énormes chaudrons qu'on trouve assez fréquemment, chaudrons qui viennent quelquefois de fort loin. Alors, dans le cas de la tombe de la Neubourg, on est dans la phase ancienne du monde celtique, peut-être plus en relation avec le monde étrusque que le monde grec. Et donc, effectivement, le vin ne se trouve pas au centre de la tombe, on a là plutôt des produits exotiques et des produits rares qui sont présentés, que, en l'occurrence, un produit manufacturé, le vin. Des princesses, on en connaît dans l'Europe celtique. Serions-nous, par exemple, sur la tombe de la Dame de Vix, découverte voici bien longtemps en Côte d'Or ? Alors, la tombe de Vix, qui effectivement, qu'on a tous en tête, est une tombe un peu plus récente. Là, on est dans les années 583. On va dire que la tombe de Vix est à un siècle plus récente. En tout cas, dans les deux tombes, ce que l'on peut remarquer, c'est effectivement la place de la femme dans la société celtique, peut-être un phénomène matriarcal, que déjà la légende de la fondation de Marseille en 600 avant Jésus-Christ nous relate quand c'est la princesse celtique, en l'occurrence Gyptis, qui choisit l'homme avec qui elle va se marier, en l'occurrence le grec Protis. Tous ces objets en or, qu'est-ce que l'on peut en dire ? C'est des productions locales pour l'essentiel ? Alors il y a un phénomène intéressant que l'on peut noter. Souvent lorsqu'on voit ces objets, on recherche, c'est le système classique de l'archéologie, un système analogique qui permet de dire tiens, ça ressemble à un savoir-faire étrusque, ça ressemble à un savoir-faire grec, et donc on attribue souvent à ces objets une origine, comme aujourd'hui on commanderait par internet et on verrait arriver les objets. Je pense que dans le cas de la Neubourg, il serait plus intéressant de voir plutôt la transmission d'un savoir-faire, un transfert de compétences avec des artisans, des artistes qui se seraient déplacés, qui seraient venus dans cette région et qui donc là, contrôlés par le pouvoir local, auraient pu mettre en œuvre ces objets avec un savoir-faire méditerranéen, mais par rapport à des commanditaires locaux. C'est là où il y avait le pouvoir, c'est là où il y avait l'argent, le savoir-faire a peut-être été emprunté ailleurs, d'où l'émergence d'un art celtique. N'en déplaise peut-être à certains qui veulent faire de l'art celtique un élément identitaire, peut-être cet art celtique serait un mélange, une transition entre effectivement ce pouvoir indigène et un savoir-faire d'artisans méridionaux. À la limite, il faudrait rapprocher ces bijoux du savoir-faire que l'on a dans le rempart de la Neubourg. Dominique Garcia, comment peut-on s'imaginer cette tombe ? Une sorte de chambre funéraire en bois sous un énorme tumulus ? Il y a sans doute la tombe, effectivement, des différents événements. On l'a dit pour Vix, on l'a dit pour Lavaux. Il y a probablement une cérémonie antérieure à l'inhumation. Peut-être, dans le cas de Vix ou de Lavaux, avec la distribution de vin. Peut-être là, des événements avec des dépôts d'objets, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. On a même un chanfrein de cheval remarquable avec un décor celtique. Donc on a des éléments, peut-être des événements. Il faut voilà, voir la tombe et imaginer des cérémonies importantes au-delà. Ensuite, on a affaire à un caveau dans lequel sont déposés ces objets. C'est le bloc en bois que l'on a vu tout à l'heure. Et puis, cet événement que l'on probablement les populations gardaient en tête marque aussi le paysage, vu que la tombe est recouverte d'un tumulus, un tertre, sans doute d'une dizaine de mètres d'eau, voire plus, qui marquait donc le paysage et qui inscrivait comme ça une lignée, un événement dans le paysage et dans l'histoire. Dans la mémoire de la population. La princesse n'est pas la seule dans la tombe. Une autre femme est aussi présente. Pourrait-on voir une sépulture d'accompagnement liée à quelques pratiques rituelles forcément atroces ? Là, pour forcément atroce, peut-être pas. On a là, dans la publication qui vient de paraître, pas assez d'éléments. Les recherches sont en cours pour savoir si on a affaire effectivement à une servante qui aurait été effectivement trucidée et qui accompagnerait la princesse, ou plus probablement un dépôt secondaire, parce qu'on sait qu'effectivement, les inhumations pour ces périodes-là ne sont pas systématiquement des inhumations primaires. Dans la tombe de la Heuneburg figure une sorte de ceinture en cuir et en or. On arrive à trouver des éléments aussi fragiles que les cuirs, les tissus. Alors, c'est justement peut-être là où les fouilles de laboratoire, que ça soit à la Heuneburg ou la fouille de Lavaux dont on parlait tout à l'heure, où on a le plus à attendre. Aujourd'hui, ce qui nous paraît exotique, c'est un vase grec remarquable à Lavaux, c'est un objet étrusque éventuel dans la tombe de la Heuneburg, mais effectivement, ce qui a pu transiter aussi, ce sont des objets comme des soieries, comme des tissus, comme des éléments en bois, comme des éléments en cuir, et aujourd'hui, les moyens que nous possédons aujourd'hui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans ce type d'études. Le renouveau probablement des rituels, des dépôts et des échanges entre le monde méditerranéen et le monde celtique viendra sans doute de la découverte et de l'analyse, de l'interprétation de ces objets en matériaux périssables. Il y aurait même de la fourrure ? Alors c'est ce qui est signalé, ce qui à la limite est assez... voilà, aujourd'hui c'est un élément supplémentaire, mais on pouvait s'y attendre. Déjà dans l'habitat, depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, on arrive à retrouver des traces de fourrure, des traces de tissu. Et les textes d'ailleurs grecs de ces périodes-là, quand ils relatent les intérieurs gaulois, pour des périodes pardon plus récentes, relatent des intérieurs dans lesquels on verrait du tissu, du bois, de la fourrure. Bien entendu, souvent nos intérieurs tels qu'ils sont redessinés par les archéologues sont un peu trop sobres pour être réellement une image de la réalité. Vous avez, vous, par exemple, à Lavaux du cuir ? On a du cuir, on a du tissu, on a du bois, on a de la corne, on a de l'ambre, on a des matériaux périssables. Ils étaient abondants. D'ailleurs, bien souvent, il suffirait de revoir dans les tombes anciennes les zones vides pour les archéologues pour les imaginer cette fois-ci pleines de matériaux périssables et peut-être parfois de matériaux exotiques ou précieux. La princesse est bien sûr parée de tous ces objets, mais elle a aussi d'autres objets qui l'accompagnent. On pense bien sûr d'ailleurs à un porcelet, un couteau, mais aussi une étonnante pièce, une pièce liée éventuellement à un cheval. Alors, les archéologues, effectivement, allemands, ont d'abord hésité sur l'interprétation d'une pièce en bronze qui porte un décor celtique, peut-être un des plus anciens, où on retrouve ces éléments du vocabulaire artistique celtique, et qui est un élément de chanfrein, donc un élément pour protéger le museau du cheval, si j'ose dire, et qui est un élément peu connu dans le monde méditerranéen, même si on en connaît quelques exemples, absent du monde celtique, et qui montre la place du cheval dans ces sociétés celtiques. Donc une pièce d'armure liée au cheval, à la tête du cheval, qui va ensuite ne plus être utilisée ? voilà, qui va être déposé dans la tombe, peut-être comme un élément symbolique. C'est un élément du pouvoir. Ces populations, ce n'est pas tout le monde qui devait posséder un cheval, tout le monde qui pouvait effectivement parader sur cet animal. Et donc peut-être dans la tombe, on a pour l'ensemble un objet d'élément de parure du cheval qui rappelle cette dimension pour cette élite celtique. Alors serions-nous sur un élément typique de l'Europe celtique ou un élément justement lié à la Méditerranée ? Un ensemble, je crois que voilà, c'est vraiment la mise en réseau. Si on veut avancer, progresser dans les études du monde celtique, on ne doit pas les voir isolés. Comme si on veut raisonner sur le monde méditerranéen, on ne doit pas le voir isolé. Sans doute que dans l'avenir, justement, les relations plus larges entre les archéologues méditerranéens et le monde celtique permettront de voir un monde connecté. Il n'y a pas une civilisation méditerranéenne, un monde celtique. Il y a une grande sphère euro-méditerranéenne qui se met en œuvre à la fin du 7e siècle et dont, effectivement, la période, l'apogée sera sans doute le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Autour de ces productions artisanales, faut-il voir de l'itinérance, à savoir des artisans issus de Méditerranée venant tout simplement en Celtique, dans le Bade-Wurtemberg ? Très probablement, pour ces objets, on en a la preuve avec le rempart. Le rempart celtique, la technique, le plan, montre avec l'utilisation de la brique crue qu'on a affaire à des artisans méditerranéens, à des architectes et peut-être à une mise en œuvre. Idem pour les bijoux, on l'a même éventuellement dit naguère pour la tombe de Vix, dont le grand cratère portait des marques de lettres grecques qui montrent que l'objet a transité, mais il a transité avec des hommes. Ces objets-là ne sont pas venus par hasard, de la matière et des hommes transités, bougés, et donc ce monde était en connexion. Vous disiez tout à l'heure que l'invention du style artistique celtique pourrait être née d'artisans méditerranéens. C'est une forme de provocation ? Non, de ma part, ce n'est pas une provocation, mais c'est peut-être un petit peu, voilà, changer un peu de regard. Ne pas affronter ces deux sociétés qui sont des sociétés en connexion. Et peut-être que l'émergence de cette élite celtique, le pouvoir qu'elles exerçaient, le fait qu'elles aient pu attirer auprès d'eux des artistes et des artisans, ont permis de faire naître cet art celtique qui ensuite se répandra plus largement dans cette Europe non méditerranéenne. Dans leur article donc paru ce mois-ci dans Antiquity, les archéologues allemands insistent sur le fait que les femmes appartiennent dès le 6e siècle à l'élite sociale. On le savait déjà plus ou moins. Alors c'est une tendance aujourd'hui de vouloir réaffirmer cette présence de la femme et son rôle. C'est quelque chose qui était connu pour l'âge du bronze, dont les dépôts d'objets, dont les sépultures permettaient de mettre en avant cette hypothèse qui est en cours depuis, on va dire, deux décennies. Pour le début du monde celtique et notamment pour le cas de la Neuburg et de Vix, la démonstration est flagrante. Ensuite, effectivement, ce n'est pas le fait d'avoir des objets de prestige, de bénéficier de tombes qui permet de restituer totalement l'organisation de la société. Avec ce grand site de la Hunneburg, pour conclure, on est sur les prémices d'une société qui va bien sûr évoluer, mais tout est déjà là, la ville, les grandes tombes. Je crois qu'on a la notion de prémisse serait peut-être à gommer. Un système ne fonctionne que s'il est cohérent. Et peut-être c'est à ce moment-là que le système est le plus cohérent, où la relation directe existe entre la Méditerranée et le monde celtique, entre le pouvoir bien assis, et peut-être que dès le 6e siècle, on va sentir cette dégradation. Voilà, le Marseille qui va se développer, qui va grignoter du pouvoir au monde étrusque, Marseille qui ensuite va regarder vers d'autres régions, donc peut-être avec le modèle, si on raisonne justement en termes anglo-saxons, le modèle de la Hunneburg pour le début du 6e siècle est peut-être le moment où on a l'ensemble le plus cohérent et qui ensuite va se dissoudre pour faire émerger d'autres modèles, notamment celui du monde classique. À découvrir donc et en ligne l'article de Dirk Kraus dans la revue Antiquity. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Amandine Grevaux, avec la contribution d'Anne-Catherine Locher. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place à l'histoire de l'homme de Kennewick découvert sur les rives de la rivière Columbia aux États-Unis.